C'est ça la beauté de la musique. On ne peut pas te l'enlever. Vous n'avez jamais ressenti ça avec la musique? Je me débrouillais pas mal à l'harmonica. Mais j'ai pu continuer ici. Ici, ça n'a plus aucun sens. C'est ici que ça a le plus de sens. On en a besoin pour ne pas oublier. Oublier? Perdu entre les mirages et les esprits peu charitables. Le rap à portée de main, une arme dans l'habitacle. Bien, je t'habite dans mon habitat, tu peux m'entendre mais tu me verras peu. J'habite une terre impraticable, du feu des flammes sur les mots. Pourtant le climat où je vis est en dessous de zéro. Un froid qui te saoule les os, j'ai refusé de vivre en bon mourant. À nuit d'être discret pour pas suivre tous vos mouvements. Pas de thèse fumante, pas de super-héros. T'as beau suer, plaire au Superman, fini en chaise roulante. Débrouillard, bidon d'acide, un sac de pierre. Descendant de navigateur, pirate de fer, la vie m'a saigné. Vivre enchaîné, ils ont essayé de me l'enseigner. Signer le contrat des traites qu'on l'on fait, j'ai refusé, préférant errer en ombre. Préférant de loin le noyau dur au nom. Et depuis je vis un coup privé de lumière, foutoir souillé de mer, trou noir sans cernes frontières. À force de les dénoncer, ils te mettent de côté. Un tunnel noir privé de toute sérénité. Prison de béton piteuse, après avoir consommé leurs idées hideuses. Nos têtes, ils creusent l'espoir en fumée pour que nos pensées deviennent nébuleuses. J'informe pour que nos existences deviennent moins ténébreuses. Ma conscience est lépreuse, pour l'échappatoire je gratte, je creuse. Pas de tendance douteuse, tiens de la bonne dope en morceaux. Pas de planche poudreuse, un truc qui sonne dans le cerveau. Pas de taupe nerveuse, là où je suis face à vos écrous c'est rien. Je suis différent donc condamné à errer en souterrain. Et des fois je m'y sens bien, loin des fous terriens. Loin des endroits où sont les souterriens. Dans un couloir sombre, parfois j'y aperçois la lumière. Mais trop de décombres m'encombre. Jour nuit je ne cesse de confondre des masques qu'ils ont fait schizophrène. Je suis devenu le meilleur ami de mon ombre. L'espoir peut rendre un homme fou.